بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد On va continuer, Inch'Allah, sur l'étude al-Qawaid al-Muthla, li al-Allama al-Sheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, sa'ilin Allah jalla wa ala, al-ikhlasa fil qawli wal amal, wa an yuthabbitana bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa ba'd. Donc on s'était arrêté dans la dernière assise, lorsque l'auteur expliquait le hadith nommé Al-Hadith Al-Qudusi, un hadith divin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah azza wa jal a dit « L'enfant d'Adam m'offense. Il insulte le temps, Ad-Dar, et moi je suis Ad-Dar. Et toute chose est dans ma main, j'alterne la nuit et le jour. » Et donc dans l'explication de ce récit, dans la dernière assise, on s'était arrêté lorsque l'auteur nous enseigne qu'est-ce qu'un hadith divin, ce qu'on appelle en français un hadith divin, c'est-à-dire al-hadith ou al-qudusi. Et donc on avait dit que certains savants considèrent qu'un hadith divin, c'est un hadith que rapporte le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam d'après Allah azza wa jal. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que les savants ont divergé. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, lorsqu'il rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire concernant le hadith divin, est-ce qu'il rapporte la parole avec exactitude d'Allah Azza wa Jal ou bien le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? فَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ أَوْ رَحِمَهُمَ اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِ هَلْ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ لَفْضًا أَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ عَنِ اللَّهِ بِمَعْنَى. Donc c'est cette question qui a été posée et dont les savants ont traité. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ هُوَ كَلَامُ اللَّهُ لَفْضًا. Et comme on l'avait appris, certains savants ont considéré que le hadith divin aussi, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est la parole qu'il a dit, le prophète ensemble l'a rapporté avec exactitude. L'énoncé, la parole, ce sont les mots d'Allah Azza wa Jal. لأن الأصل أنما أضيف إلى الله قولا فهو قوله. Pourquoi? Parce qu'ils disent à la base, ce qui est attribué à Allah Azza wa Jal, au Créateur, ce qui lui était attribué comme parole, cela veut dire que c'est sa parole. Donc les savants qui ont été d'avis que l'énoncé même al-lafd, c'est lafd, c'est celui du Créateur, d'Allah Azza wa Jal, que rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et considère car tout ce qui est attribué à Allah azza wa jal, à notre créateur, comme propos, alors ceci est sa parole. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala. Et le prophète, dans le hadith qu'on nomme hadith divin, il dit Allah a dit. Fayuhmalu ala anna al-lafdha lafdullah ta'ala. Et le prophète lui-même, il dit Allah a dit. Donc, pour cela, beaucoup de savants ont été d'avis, lorsque le prophète sallam a dit Allah a dit, ça prouve que, ça veut dire que les propos sont d'Allah Azza wa Jal. Wa qala ba'duhum bal huwa bil ma'na. Et d'autres savants ont été d'avis que c'est le sens. Que le prophète sallam, ici, il rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal, mais le sens. Mais les mots, ce sont les mots du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la bénédiction soient sur lui. Certains savants ont dit, huwa bil marna, wa la haraj an yuqal qala fulan bil marna. بدليل أن جميع الرسل وأقوامهم يحكي الله عنهم القول باللسان العربي. Et d'autres savants ont vu que c'est le sens en fait. Pourquoi? Parce qu'ils disent il n'y a pas le mal de rapporter une parole et de rapporter le sens de celle-ci. Comme c'est rapporté de différents prophètes qui ne parlaient pas l'arabe, c'est-à-dire que la langue de différents prophètes n'était pas langue arabe. Allah Azza wa Jal envoyait des prophètes et des messagers à chaque nation. Nous, les prophètes arabes, par exemple, qu'on connaît, sont au nombre de 4, comme certains savants relatent. Parmi tous les prophètes et les messagers qu'Allah Azza wa Jal a envoyés, beaucoup de savants, liés à un hadith du prophète, ils disent qu'on a la connaissance de 4 prophètes arabes. Le prophète Hud, wa Salih, wa Shu'aib, wa Muhammad, sallallahu alayhi wa ala, alayhi wa sallam. Il y a le prophète Hud, que la paix soit sur lui, wa Salih, que la paix soit sur lui, alayhi salam, wa Shu'aib, alayhi salam, que la paix soit sur lui, et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa ala, alayhi wa sallam. Ce sont les 4 prophètes qui étaient d'origine arabe. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal nous informe au sujet de peuple et au sujet de prophète aussi, nous dit l'auteur. D'après une langue arabe, c'est-à-dire que les informations qu'on a par exemple dans le Coran sont en langue arabe, alors que eux ne parlaient pas l'arabe et que leur appel n'était pas forcément en langue arabe. Wa ma'lumun anna al-sinatahum laysat arabiyya. Et dit, il est clair et évident que leur langue n'était pas une langue arabe. Wa la yantiquna bil arabiyya. Et eux ne prononçaient pas et ne parlaient pas la langue arabe. ولذلك تجد أن النقول عنهم تختلف. C'est pour cela que tu vois dans le Coran ce qui nous est transmis d'eux varie dans le Coran. Allah dit par exemple وقال فرعون آمنتم به. Allah dit au sujet lorsque Pharaon dit وقال فرعون آمنتم به. Et dans un autre verset وفي آية أخرى قال آمنتم له. آمنتم له. Dans un autre verset, il dit vous avez cru bihi. Et dans un autre verset, il dit vous avez cru lahu, en lui. Et dans un autre verset, وأرسل في المدائن حاشرين. Et dans un autre verset, وابعث. وابعث. Donc on a وأرسل et on a وابعث. في آية أخرى قال مما يدل على أن الله تعالى ينقل عنهم معنى كلامهم وليس هذا كلامهم باللفظ وهذا واضح. Et donc certains savants se sont appuyés sur ça pour dire que, regardez dans le verset 111 de Sourate Al-A'raf, وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Et dans le verset de Ash-Shu'ara, وَبَعَثْ, qui veut dire envoie. Donc on a le verbe أَرْسَلَ et on a le verbe وَبَعَثْ, بَعَثَ. Et donc, Cheikh, ici, nous dit, on voit que Allah Azza wa Jal nous informe à leur sujet, nous informe au sujet de leur parole, وَلَيْسَ هَذَا كَلَامَهُمْ بِاللَّفْضِ. Et ce n'est pas leur parole, بِاللَّفْضِ. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux ne parlaient pas la langue arabe. Et il dit, وَهَذَا وَاضِحْ. Donc, de rapporter le sens, dans ce cas-là, n'est pas quelque chose d'interdit. Et donc, وَأَيَّدُ هَذَا بِأَنَّهُ إِجْمَعَ الْعُلَمَاءِ. Et les savants qui sont d'avis que le prophète rapporte le sens de la parole du Créateur, d'Allah Azza wa Jal, أَيَّدُ هَذَا, ils ont appuyé leur avis, بِأَنَّهُ إِجْمَعَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدِيثِ الْقُدُسِ لَيْسَ مُعَجِزَ. Ils ont appuyé leur avis en disant qu'il y a consensus, des savants et des grands érudits, il y a consensus que le hadith divin n'est pas le Coran, et il n'est pas mu'ajiz. il n'est pas le Coran. لو كان كلام الله لكان معجزة. Si c'était la parole d'Allah, il aurait été معجزا. لأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بشيء مماثل لصفات الله عز وجل. معجز, c'est-à-dire que personne peut venir avec une parole semblable. Par exemple, le Coran, personne. Et c'était un défi qu'Allah Azza wa Jal a donné aux gens, à l'époque, de venir avec ne serait-ce un verset, des versets du Coran, semblables. Et donc, personne ne peut le faire. قَالَ بِأَنَّهُ لَا تَصِحُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنْ لِأَحَدْ أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مُمَاثِلْ لِصِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Pourquoi ? Parce que personne en réalité ne peut venir avec des paroles semblables au Coran, parce que personne ne peut venir avec quelque chose semblable aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Puisque la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِأَنَّهُ لَا تَصِحُ قِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَةِ. Et parmi les différences qu'il y a entre le hadith al-Qudsi, le hadith divin, et le Coran, c'est que la prière n'est pas valable si on la fait en récitant un hadith divin, comme on le fait pour le Coran. Dans la prière, on récite le Coran dans la prière. قَالَ وَلَا تَصِحُ قَرَاءَتُهُ فِي الصَّلَةِ. Donc on ne peut pas réciter un hadith, par exemple divin, dans la prière. وَلَا تُشْتَرَطْ لَهُ الطَّهَارَةُ فِي مَسِّهِ. Et aussi, lorsqu'on veut lire un hadith divin, il n'y a pas la condition qu'on soit en état de purification, qu'on ait par exemple les ablutions. Il n'y a pas condition qu'on ait les ablutions différemment du Coran, selon l'avis de beaucoup de savants qui considèrent qu'on ne peut ouvrir le Coran et lire le Coran directement, al-Mus'haf, sans les ablutions. Et le hadith Qudusi, ça ne nécessite pas, il n'est pas conditionné qu'on doit avoir les ablutions. Wala taharatul janabati fi tilawati. Et aussi, par exemple, si on est en état de janaba, l'état de janaba connu, al-junub, c'est celui qui est en état d'impureté majeure. Il n'est pas interdit pour lui de lire et de réciter le hadith al-Qudusi, le hadith divin, différemment du Coran. Qala wa anna minhu as-sahih wal-hasan wal-da'if wal-mawdu'. En ce qui concerne le hadith aussi divin, il y a parmi eux des hadiths, des récits qui sont authentiques, parmi eux des bons, parmi eux des faibles, parmi eux des inventés, des forgés. Wa kalam Allah ta'ala la budda an yakuna mahfouzan. Alors que la parole d'Allah Azza wa Jal, celle-ci est protégée. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est protégé. Wa allalu bi ta'alil kathiratin jayyida. Et ils ont rapporté encore d'autres causes. Donc vous avez vu, c'est pas en vain que certains savants ont été d'avis que le hadith divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des différences qu'ont évoquées certains savants concernant Kitab Allah, al-Mus'haf, al-Qur'an, pardon, le livre d'Allah, le Coran et le hadith qu'on traduit, qu'on appelle le hadith divin. Mais écoutez bien ce que va dire l'auteur. C'est pour ça que je voulais vous faire partager ça. Je voulais vous faire partager cela. لكن لو قال قائل. Et ça, c'est la manière, hein, c'est le style particulier de Cheikh dans ses œuvres et ses commentaires. Souvent, il pose des questions. Donc, il dit, si une personne pose une question, il dit, ولو قال قائل. Si une personne vient et pose une question, مالنا ولهذا البحث. Est-ce que cette recherche est-elle importante ? Dans le sens, est-ce qu'il faille rentrer dans les détails de cette question-là ? Bel Naqoul, il dit, nous disons, Bel Naqoul al-Hadith al-Qudsi marrawahu al-Nabi sallam anillah. Il dit, nous disons que le hadith divin, c'est ce que rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Allah. Wala hajata an nata'ammaqa. Wala hajata an nata'ammaqa. Et il dit, il n'y a pas un réel besoin ou nécessité de s'approfondir dans cela. هل قال الله هذا لفظا أم رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه معنى؟ C'est-à-dire où il n'y a pas de nécessité à s'approfondir dans cela concernant cette question-là. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم rapporte l'énoncé même les paroles d'Allah عز وجل avec exactitude ou bien il rapporte le sens des paroles d'Allah mais les paroles, les mots sont les siens, sont ses paroles. Mais lui, le prophète, rapporte le sens. Donc, est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم rapporte les propos l'ovd ou bien le sens il rapporte cette question là il dit qala le fait de dire de ne pas trop s'approfondir dans cela il dit la shak annahu aslam il dit c'est aslam c'est la personne qui ne va pas trop rentrer dans les détails les profondeurs de cela il se met à l'abri en quelque sorte yaslam wa ab'adu 'an al-iradat wa ihtimalu an yakuna ar-rasul rawahu 'an rabbihi bil-ma'na wa la shakka annahu qawiyyun jiddan et dit la supposition ou l'hypothèse que le prophète sallam rapporte le sens que le hadith divin c'est le prophète sallam qui rapporte le sens de la parole d'Allah il dit cette hypothèse est très forte. Elle est très forte. Il dit, l'avis, il dit, il est qawiyun jiddan. Li dhuhur al-farq baynahu wa bayna al-Qur'an. Dû à quoi ? Dû à la différence qu'il y a entre le Coran et le hadith divin, comme on l'a énoncé dans ce qui a précédé. Baynahu wa bayna al-Qur'an alladhi huwa lafdhullah 'azza wa jalla. Donc la différence qu'il y a entre le récit divin et le Coran. Le Coran qui, lui, est la parole d'Allah Azza wa Jal. Thumma huna illatun ukhra. Qalu, law kana al-hadith al-qudusi min lafdillahi Azza wa Jal, la kana a'la sanadan min al-Qur'an. Certains savants aussi, qui ont vu que le prophète Sassam rapporte le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, ils disent, si le hadith divin aurait été lafd, la parole, les propos sont d'Allah, Azza wa Jal, et ce n'est pas le sens, alors le Sened serait encore plus élevé que celui du Coran lui-même. Pourquoi ? Parce que le Coran, il y a Jibril qui est intermédiaire. Allah, Azza wa Jal, a pris Jibril comme intermédiaire, a mandaté Jibril de le transmettre et de l'enseigner au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que cela voudrait dire que le hadith al-Qudusi, il n'y a pas d'intermédiaire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte directement d'après Allah, azza wa jal. Et donc, regardez ce qu'il dit. ثُمَّ هُنَا عِلَّةٌ أُخْرَى قَالُوا لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ الْقُدُسِيُّ مِنْ لَفْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَكَانَ أَعْلَى سَنَدًا مِنَ الْقُرْآنِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِوَاسِطَةِ جِبْرِيلِ وَهَذَا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَاسِطَةٌ وَفِي هَذَا مَا فِي عَلَى كُلِّ حَالٍ. Et maintenant, il conclut. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, quoi qu'il en soit, et quoi qu'il en est, أَنَا أُفَضِّلُ. Il dit, moi, je préfère. وَأُرَجِّحُ. Et je vois que l'avis le plus plausible et plus juste, أَخِيرًا أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ الْبَحْثِ فِي هَذَا. Que le meilleur est de délaisser la recherche sur cette question et de s'approfondir sur cela. Donc ça, c'est l'avis de Cheikh. C'est l'avis, après peut-être méditation et observation, Cheikh, à la fin, il conclut de la sorte et dit le meilleur pour lui, son avis, c'est de ne pas s'approfondir dans cela. وَالْقُرْآنُ أَحْكَمُهُ مَعْرُوفًا. Les règles liées au Coran sont connues, il dit, et célèbres. وَالْحَدِيثُ الْقُدُسِ أَحْكَامُهُ مَعْرُوفَ. Et les règles liées au hadith divin sont célèbres et connues aussi. وَكَوْنُنَا نَقُولْ هَلْ هَذَا لَفْضُ اللَّهِ أَوْ غَيْرُ لَفْضِ اللَّهِ لَسْنَ مُكَلَّفِينَ بِهَذَا. Et il dit le fait que nous disons que le hadith Qudusi, c'est l'ovd d'Allah Azza wa Jal, l'énoncé, c'est celui d'Allah Azza wa Jal, c'est la parole d'Allah. Ou non, on n'a pas cette charge, il dit. On n'a pas cette charge. Bel naqul huwa ma rawahu an-nabi sallam an rabbihi. Et là, c'est très bien comment il conclut. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire ? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on doit dire tout simplement ? Et il dit, nous disons que le hadith divin, c'est quoi ? C'est ce que nous a rapporté le prophète, ensemble, d'après notre créateur, d'après Allah. D'après notre Seigneur. Voilà. Il conclut d'une manière très pertinente. En disant, on conclut, il nous a quand même expliqué, ça nous donne une culture, c'est-à-dire que, et des connaissances, si vous lisez dans des livres, et vous voyez tantôt tel avis, ou tantôt tel avis, vous voyez dans un livre, un écrivain, يتعمق في هذه المسألة ويفصل في هذه المسألة, vous avez des tenants et des aboutissants. Sauf qu'en conclusion, le Cheikh nous dit, ce qu'on retient, c'est que le hadith divin, al-hadith al-qudusi, c'est un récit que nous rapporte le prophète, ensemble, d'après notre Seigneur. D'après notre Seigneur. ثم قال القاعدة الثالثة. Maintenant, on va rentrer dans une troisième règle. Une troisième règle concernant les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc, on a fini les deux premières règles. On va commencer. قال المصنف رحمه الله تعالى والقاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل أو تضمنها لله عز وجل والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها قال ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم الآية لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال جل وعلا والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له هذا نص القاعدة الثالثة. Donc là, on a lu la troisième règle. On a lu la troisième règle. Donc concernant la traduction, la troisième règle, on va la laisser pour demain, si Allah nous le permet. On laisse la traduction de la troisième règle et l'explication de celle-ci. Donc là, on a lu l'énoncé en arabe, les propos de l'auteur concernant la troisième règle, lié au nom parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-asma al-husna. Donc demain, si Allah nous le permet, on traduira la règle et on essaiera de la comprendre, de comprendre cette troisième règle. Wallahu a'lam.